Est-ce que les mots peuvent changer le monde? Est-ce que certains mots vous mettent les larmes aux yeux? Si oui, ça n'est pas assez, prévient Friedrich Engels, bien décidé à mener la bataille du côté des ouvriers. Il y a certainement dans cette assemblée des gens qui ont des larmes aux yeux en entendant des mots tels que bienveillance, tendresse, fraternité. Mais les larmes ne donnent pas le pouvoir. Le pouvoir ne verse pas de larmes. La bourgeoisie ne vous traite pas avec bienveillance et vous ne la vaincrez pas avec de la tendresse. Citoyens, amis, camarades, pourquoi sommes-nous ici? Parce que nous menons une bataille. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Et pourquoi menons-nous cette bataille? Que voulons-nous? La liberté. L'égalité. L'égalité. Tous les hommes sont frères. Tous les hommes sont frères. Tous les hommes sont frères. Est-ce vrai? Ah, l'êtes-vous vrai. Et vous oui, bien sûr. Et vous, et moi, et tous ceux qui sont dans la salle oui. Oui. Oui. Les bourgeois et les ouvriers, sont-ils vraiment frères? Ils nous font crever. Non, ils ne sont pas frères. Au contraire, ils sont ennemis. Bonjour Florian Nicodème. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Pensez-vous comme Engels que les mots sont secondaires dans le combat à mener? Je pense que dans la tradition marxiste en tout cas, la violence est appelée à jouer un rôle, un rôle doublement négatif sans doute, puisqu'elle est à la fois inévitable et en même temps elle est insuffisante à elle seule. Et je pense que c'est sans doute une des questions qu'il faudra regarder dans les modalités de l'action et notamment dans la question de la grève, c'est de savoir dans quelles limites le mot doit se faire action et dans quelle limite la lutte politique, stratégique, qui repose sur une analyse des contextes, est autre chose peut-être que de la violence. Sachant que les mots eux-mêmes peuvent être violents. Exactement, les mots peuvent être violents et, comme le dit Marx dans un texte célèbre, la critique des armes peut se transformer en arme de la critique et la théorie, lorsqu'elle s'empare des masses, peut devenir à son tour une arme. Vous enseignez la philosophie au lycée Jacques de Cour à Paris, Florian Nicodème. Vous êtes aussi traducteur de philosophie allemande, vous avez notamment traduit Adorno. Est-ce que vous enseignez la pensée de Marx à vos élèves? Oui, en terminale, en tout cas dans le cadre du chapitre sur le travail, assez classiquement. Et puis aussi à quelques occasions dans des chapitres tout aussi classiques sur la liberté. Je pense que c'est une pensée encore aujourd'hui importante. Comment est-ce qu'elle est reçue cette pensée par des élèves en terminale? Comme une vieillerie essentiellement. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont des représentations qui date de la période immédiatement, qui a suivi immédiatement la guerre froide, de la polarisation entre communisme et capitalisme. Et je crois qu'il y a tout un travail de déblayage, de recontextualisation de sa pensée et de réactualisation qui est toujours passionnant à faire et qui est assez souvent efficace. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui à travers la question de la grève, puisque c'est le thème de cette semaine, enfin c'est le thème d'ailleurs du pays depuis un mois. Et donc au chemin de la philosophie, on a décidé d'y consacrer une semaine. Quelle place tient la grève dans la pensée de Marx? Alors c'est une place à la fois très très latérale, très très secondaire, puisque les textes canoniques sur la grève sont assez peu nombreux, et en même temps c'est une place centrale dans la mesure où la question du positionnement pour ou contre la grève, dans quel contexte une grève est positive ou au contraire est une perte de temps, c'est une question qui vient révéler un certain nombre de lignes de faille, de lignes de force de la pensée de Marx. J'évoquais tout à l'heure la question de l'usage de la violence. Oui. Comment définit-on une grève? Est-ce qu'on se limite par exemple au simple retrait des travailleurs qui refusent de venir travailler et qui du coup s'amputent eux-mêmes d'une partie de leur salaire? Ou bien est-ce qu'on y fait entrer aussi d'autres phénomènes, d'autres actions peut-être plus spectaculaires, la manifestation par exemple, voire l'occupation des outils de production, des fabriques, des usines, voire parfois la destruction même des outils de production. Donc il y a différents types de grèves et la question de l'usage de la violence est une des questions que ça vient interroger chez Marx et dans la tradition marxiste, notamment chez Lénine et plus tard encore chez Mao. D'un autre côté, la grève a aussi été une ligne de faille entre deux versions du marxisme, entre deux tendances propres à la pensée de Marx et qui ont parfois été opposées l'une à l'autre dans l'héritage de Marx. C'est d'un côté une espèce d'économisme, confiance dans les lois structurelles de l'économie et l'idée que finalement le destin des travailleurs et le destin de l'humanité se joue sur des logiques historiques de long terme ou structurelles. Ou bien, d'un autre côté, un Marx ou un marxisme plus attentif à la singularité des luttes, hein, à ce que chaque lutte dans chaque fabrique, dans chaque secteur, à chaque époque, a d'absolument irréductible à une autre, hein, et où du coup, la question du moyen à utiliser à tel endroit, à tel moment, et l'analyse de la situation particulière, hein, eh bien, est l'enjeu véritable de la révolution. Donc, confiance dans les lois fondamentales de l'histoire d'un côté, ou au contraire, attention à la conjoncture et à l'action et à l'impact révolutionnaire spécifique. D'autant qu'on va y revenir, pour croire en l'efficacité de la grève, il faut quand même croire à la possibilité d'un changement, et donc sortir d'un déterminisme. Exactement. Alors, je vous propose, pour comprendre à la fois le contexte dans lequel Marx va faire paraître le Capital en 1867 et ce contexte est important à garder en tête puisqu'il explique aussi, il peut permettre d'évoquer l'engagement de Marx, donc à la fois ses écrits et ses actions. Il faut remonter jusqu'à Engels qui a ouvert cette émission notamment et qui a aidé Marx à jeter les bases d'une réflexion économique et politique sur le statut des ouvriers dans un premier temps, et je vous propose qu'on écoute un extrait de la situation de la classe laborieuse en Angleterre, le texte que Engels fait paraître en 1845. Voici donc le texte lu par Hélène Losser. Les ouvriers doivent s'efforcer de trouver une issue à cette situation qui les ravale au rang de la bête pour se créer une existence meilleure, plus humaine. Et ils ne peuvent le faire qu'en entrant en lutte contre les intérêts de la bourgeoisie en tant que telle. Intérêt qui réside précisément dans l'exploitation des ouvriers. Mais la bourgeoisie défend ses intérêts de toutes les forces qu'elle est capable de déployer grâce à la propriété et au pouvoir d'État dont elle dispose. Dès lors que l'ouvrier veut échapper à l'état de choses actuel, le bourgeois devient son ennemi déclaré. Mais l'ouvrier peut remarquer en outre à chaque instant que le bourgeois le traite comme une chose, comme sa propriété. Et c'est déjà pour cette raison qu'il se manifeste en ennemi de la bourgeoisie. Dans les conditions actuelles, l'ouvrier ne peut sauver sa qualité d'homme que par la haine et la révolte contre la bourgeoisie. Engels a 24 ans lorsqu'il fait paraître ce texte. Il est issu d'une famille de riches cotonniers en Rhénanie. Et il fournit là l'un des premiers diagnostics de la condition ouvrière, non ? Oui, effectivement, c'est le fruit d'une assez longue enquête hein, dans les milieux ouvriers en Angleterre, hein, très documentée et qui fournit à bien des égards encore un modèle hein, d'enquête hein, et une des sources empiriques principales hein, des travaux du jeune Marx, disons. Alors qu'est-ce qu'il apporte dans ce texte ? Alors il me semble que c'est un texte qui révèle un petit peu l'ambiguïté de la position de Engels hein, et du coup qui fait apparaître hein, à contrario l'apport spécifique du Capital et de Marx, hein, c'est qu'on a effectivement un premier diagnostic sur une exploitation excessive hein, de la part de la bourgeoisie, des prolétaires, hein, et Engels documente de façon très précise, hein, en regardant des documents sur les luttes ouvrières, hein, comment, au fond, les luttes ouvrières ont réagi à une série de violences hein, beaucoup plus douces, beaucoup plus feutrées, que celle plus spectaculaire que la classe ouvrière a eue envers la bourgeoisie et envers les moyens de production, mais une série de violences qui ont été continuelles dans la première moitié du 19e siècle. On peut citer par exemple l'introduction des machines, notamment dans l'industrie textile. L'industrie textile, au début des années 1800, voit remplacer un certain nombre de métiers, notamment dans le filage du coton, des métiers traditionnellement extrêmement qualifiés, occupés par une espèce d'aristocratie ouvrière qui dispose de compétences réelles. Eh bien, ces métiers sont désormais exécutés par des machines et on demande aux ouvriers, au lieu d'être les véritables agents de leur travail, de devenir les opérateurs de machines, de se plier aux circonstances et non pas, comme il convient sans doute plus à la dignité humaine, de plier les circonstances à leur volonté. Et du coup, cette violence-là a donné une première vague de violence ouvrière sous la forme du ludisme, c'est-à-dire la destruction active, violente des machines elles-mêmes. Le ludisme. Le général Lude. C'est exactement le général Lude, le docteur Lude, hein, Ned ou John Lude, on ne sait pas exactement s'il a existé. En tout cas, la légende raconte qu'il s'agirait d'un ouvrier du textile, le premier à avoir détruit deux machines à tisser dans les années 1780, et qui est devenu une espèce de figure sans doute imaginaire, emblématique de la révolte ouvrière des années 1811-1812 en Angleterre, durant laquelle on a assisté comme ça à des violences contre les machines. Et Engels est sans doute le premier à voir hein, cette violence feutrée, cette violence qui tait son nom, et notamment aussi, autre exemple, à part l'introduction de la machine, tous les accords de branche internes au patronat qui, entre eux, s'arrangent pour se refiler en quelque sorte les listes des ouvriers et s'arranger pour empêcher de travailler ceux qui seraient contestataires et pour exercer par une concurrence déloyale une pression sur le salaire des ouvriers. Donc ça s'assurait pour faire, ça s'arrangeait pardon les uns avec les autres pour faire baisser le salaire, hein, en s'entendant les uns avec les autres pour baisser les salaires en même temps, de telle sorte que les ouvriers ne puissent pas avoir d'autre choix que soit accepter la baisse de salaire, soit eh bien mourir tout simplement. Dans quel pays parlez-vous? Alors il s'agit essentiellement de l'Angleterre, puisque en gros le premier tiers, les 40 premières années du 19e siècle sont un laboratoire absolument incroyable du capitalisme en Angleterre, et c'est pour ça d'ailleurs que Engels s'occupe essentiellement de la situation anglaise, en soulignant que probablement l'avenir de la France, l'avenir de l'Allemagne sont à lire en Angleterre. Et que si l'on veut préparer activement la résistance contre les ravages du capitalisme en France et en Angleterre, eh bien, en France, pardon, et en Allemagne, c'est en Angleterre qu'il faut regarder dans le passé de l'Angleterre, l'avenir de la France ou de l'Allemagne. Et c'est aussi en Angleterre, vous parlez de laboratoire, on peut suivre l'évolution des revendications, la constitution de groupes, l'interdiction de ces groupes même, avant même qu'on en arrive à l'interdiction de la grève. Il y a toute une mise en place qui aujourd'hui nous paraît naturelle, mais quand on s'intéresse à cette période-là, c'est le tout début justement de ce qu'on appelle les ouvriers et la bourgeoisie. C'est le début de la distinction de deux classes qui sont ennemies, c'est ce que disait l'extrait du début. On emploie le terme d'exploitation. Tout ce vocabulaire-là qui est aujourd'hui traditionnellement associé au vocabulaire marxiste émerge à ce moment-là. Quelque chose de nouveau qui se passe. Complètement. Et surtout, ce qui émerge, c'est d'abord le phénomène historique lui-même. C'est-à-dire que quand Engels s'occupe de la situation anglaise, les choses sont déjà stabilisées. C'est-à-dire que la polarisation entre une classe qui dispose de la propriété privée des moyens de production et une classe qui ne dispose d'absolument aucune source de revenus, sinon la location de sa force de travail, c'est quelque chose qui est déjà le cas en Angleterre. Mais c'est une situation qui s'est imposée rapidement, en quelques décennies, qui ont conduit à la destruction de la structuration traditionnelle, disons, d'ancien régime de la société, et qui s'est fait avec une brutalité sans pareil. Mais pardonnez-moi de vous poser cette question, mais c'était pas forcément différent avant. En quoi est-ce que le capitalisme apporte quelque chose de nouveau? De tout temps, une certaine partie de la population était exploitée par une autre. Alors toute histoire, disent Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste, est histoire de lutte de classe. Et toute histoire s'interprète toujours comme la polarisation entre une classe dominante et une classe dominée. Donc ça, c'est un schéma qui ne bouge pas. Mais par contre, la structuration, la texture de la domination, elle, a brutalement changé. C'est-à-dire qu'on est passé à une domination qui n'est plus de nature politique, puisque la différence entre le maître et l'esclave, c'est que l'esclave est privé de tous les droits politiques que le maître possède. Donc c'est une distinction sanctionnée par la loi. Or, l'exploitation capitaliste a pour première caractéristique de se faire dans une société égalitaire. Entre l'ouvrier et le capitaliste, eh bien, il n'y a pas de différence statutaire. Alors, en Angleterre, la question est un peu plus complexe puisque il y avait un suffrage censitaire. Donc, seuls pouvaient être élus et dans un premier temps, seuls pouvaient voter ceux qui disposaient et pouvaient justifier d'une certaine propriété. Néanmoins, on a une exploitation dans un milieu qui est globalement égalitariste, post-révolution française, post-révolution américaine. Et du coup, cette exploitation, elle est d'autant plus impitoyable qu'elle est masquée par des rapports juridiques qui proclament l'égalité. On entendait la fraternité dans l'extrait tout à l'heure. Mais en tout cas, l'égalité est un de ces maîtres mots de l'Europe post-révolutionnaire contre lesquels Marx et Engels n'ont pas assez de mots pour essayer d'en dénoncer justement l'illusion. L'égalité est purement formelle. On dispose du même droit, par exemple, de posséder le même droit à la propriété privée. Mais cette égalité n'est pas réelle, disent Marx et Engels, tout simplement parce que les conditions d'accès à la propriété ne sont absolument pas égalitaires. Un prolétaire et un capitaliste ne disposent pas des mêmes chances, finalement, d'accéder à la propriété l'un et l'autre. Donc c'est une exploitation d'autant plus perfide qu'elle avance masquée et qu'elle est légale, en fait. Parce qu'il y a un contrat de travail qui est signé. Exactement. Le contrat de travail qui présuppose la liberté de part et d'autre et l'égalité de part et d'autre, alors qu'il n'en est rien. Exactement. Le contrat de travail, c'est pour Marx, dans le Capital, ça fait partie de la dramaturgie du Capital, la façade, la surface à laquelle absolument tout se passe bien, à laquelle l'ouvrier est libre égal tout autant que le capitaliste, il se serre la main, il s'accorde en libres agents rationnels. Tout, c'est la sphère finalement où tout règne, liberté, égalité et bentham, dit Marx dans le Capital. Donc bentham, c'est-à-dire l'agent rationnel maximisateur de son propre profit. Donc le capitaliste, on n'a pas de mal à le considérer dans cette posture, mais on s'imagine assez fréquemment le prolétaire comme étant lui aussi un agent rationnel, disant « je vais tirer le meilleur intérêt de ce contrat de travail ». Et ce que Marx montre progressivement, c'est que quand on redescend de la sphère de ce qu'il appelle l'échange à la sphère de la production, c'est-à-dire à la manière dont la production est organisée par le contrat de travail, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui règne, c'est la plus grande exploitation. Puisque ce que le capitaliste achète, c'est tout à fait autre chose que ce que le prolétaire croit lui vendre. Puisque, en gros, le capitaliste achète une force de travail qui est capable, en une unité de temps, de produire beaucoup plus de valeur qu'elle n'en coûte sur cette même durée. C'est la théorie de la survaleur, la théorie du surtravail dans le capital, qui est que, en gros, le système capitaliste permet au capitaliste de tondre la valeur produite par l'ouvrier et de le faire travailler, en gros, que quelques heures par jour à rembourser son salaire et tout le reste du temps gratuitement. C'est le fondement, l'essence même de ce qu'on appelle le capitalisme. Voilà, exactement. Et c'est que l'argent donné aux salariés en échange de son travail ne correspond pas à la force de travail réellement investie. Voilà, puisque la force de travail est entendue en deux sens différents dans la bouche du capitaliste, hein, quand il signe. Donc c'est quand même une affaire de langage, vous voyez. Exactement. Et c'est une affaire aussi d'analyse. Et là, le rôle de la philosophie, c'est précisément de faire apparaître, hein, croit Marx, et je pense qu'il a tout à fait raison, de faire apparaître cet équivoque. Hein. La force de travail que le capitaliste, hein, prétend acheter, c'est simplement le remboursement de la dépense de force physique et mentale d'une journée de travail. Hein. Celle qu'il achète en réalité, c'est une force capable, si on la dirige correctement, si on l'équipe correctement, de produire une survaleur qui peut être parfois, hein, des dizaines de fois supérieure à ce qu'elle coûte. Avant d'ouvrir le chapitre sur la journée de travail dans Le Capital de Marx, hein, au chapitre 8 du Capital, dites-nous juste comment est-ce que Marx et Engels se sont rencontrés. Alors, ils se sont rencontrés dans les milieux révolutionnaires, hein, de l'époque. Hein. Alors, j'ai pas de précision sur leur rencontre exacte. Hein. Parce qu'il s'est passé vraiment quelque chose. Marx ne cesse de dire à quel point il se sent tributaire quand même du travail de Engels. Exactement. Ils ont contribué à diverses revues ensemble. Hein, et je crois que à la suite de la publication de la situation de la classe laborieuse en Angleterre, hein, on peut considérer que ce livre a été considéré en gros comme une source d'information principale pour tous les émigrés allemands qui réfléchissaient à ce qu'on appelle la question sociale. Donc cette rencontre, je pense, elle a été autant intellectuelle qu'amicale. Hein. Mais disons que pour l'évolution de la pensée de Marx, c'est sans doute ce livre, hein, qui a été la pierre fondamentale de leur collaboration. Alors, je vous propose qu'on fasse un détour par la manufacture Engels, parce que le jeune Engels a pour père, donc le père Engels, qui lui-même dirige une entreprise de textile. Et celui-ci, en tout cas dans le film proposé par Raoul Peck, hein, le jeune Karl Marx, bien quand il va essayer d'assister à une réunion entre son père et les ouvriers, bien découvre une manière, un rapport de force justement, dont il va se nourrir et qui va être sans doute un déclencheur pour proposer ses écrits. Et puis ensuite, on écoutera le texte de Karl Marx, et seulement ce que c'est qu'une journée de travail, et qui montre bien qu'en définitive, c'est la violence qui tranche. Elle s'est endormie sur le métier à tisser. Résultat, elle a deux doigts coupés. Ouais. Qui va lui rendre ses doigts? Puis-je intervenir, père? Surtout pas. Ça lui apprendra à faire plus attention. On vous paye pour bosser, pas pour dormir. Allez-y, doucement. Ne les provoquez. On est payé, mais combien? Roisin a travaillé 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter. Et maintenant, elle a qu'à débarrasser le plancher et crever. C'est ça que vous appelez bosser? Silence! Les frais de réparation seront retenus sur vos salaires. C'est tout ce que vous retirez de cette affaire. Estimez-vous heureux que je ne vous renvoie pas tous sur le champ. Réparer une machine, c'est une grosse dépense. Alors que la main-d'œuvre ne coûte rien, Manchester. C'est pas juste. 10 doigts, voilà tout ce qui compte pour vous. Et une fois qu'on les a perdus, on est bon pour être mis au rebut, c'est ça que vous voulez dire? C'est cette fille qui a parlé de l'accident de Roisin. C'est elle, la meneuse. Rappelez-moi son nom. Je peux vous répondre? J'ai une bouche pour m'exprimer. Une grande bouche, à ce que j'entends. Alors je me présente. Je suis Mary Burns. Je suis née à Tipperary. Et aujourd'hui, esclave chez Herman et Engels, une belle manufacture de Manchester, Angleterre. Fichez-la dehors. Qu'elle a gagné son pain ailleurs. Qu'est-ce qu'une journée de travail? C'est moins en tout cas qu'une journée de vie naturelle. De combien? Le capitaliste a sa propre opinion sur cette limite où doit s'arrêter la journée de travail. En tant que capitaliste, il n'est que capital personnifié. Son âme est l'âme du capital. Or, le capital a une unique pulsion vitale, se valoriser, créer de la survaleur, pomper avec sa partie constante les moyens de production, la plus grande masse possible de surtravail. Le capital est du travail mort, qui ne s'anime qu'en suçant, tel un vampire, du travail vivant, et qui est d'autant plus vivant qu'il en suce davantage. Le capitaliste se réclame de son droit d'acheteur, quand il cherche à rendre la journée de travail aussi longue que possible et à faire deux journées de travail en une seule. D'un autre côté, le travailleur se réclame de son droit de vendeur quand il veut limiter la journée de travail à une grandeur normale déterminée. Il y a donc ici une antinomie, droit contre droit, l'un et l'autre portant le sceau de la loi de l'échange marchand. Entre des droits égaux, c'est la violence qui tranche. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et voici donc un extrait du 8e chapitre de la 3e section du premier livre du Capital de Karl Marx, dont nous parlons aujourd'hui dans le cadre de cette série d'émissions sur la grève, philosophie de la grève, aujourd'hui en compagnie du professeur de philosophie Florian Nicodème. Dans ce chapitre donc intitulé « La journée de travail », Marx pose la question de la lutte à l'intérieur, la question de la survie et donc du temps de travail. Et la dernière phrase qu'on a entendue, « Entre des droits égaux, c'est la violence qui tranche », est-ce une allusion, il faut y venir quand même, à la possibilité de la grève, ou pas encore ? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, je pense que Marx, qui a le sens de la formule, sait parfaitement qu'ici, il vient de lancer un brûlot révolutionnaire. Entre les droits égaux, c'est la violence qui tranche. C'est un appel, ou en tout cas une forme de soutien, ou en tout cas, au minimum, une menace envers ce système capitaliste, la menace d'une réaction violente. Après, il faut aussi reprendre conceptuellement ce que signifie cette phrase. Entre des droits égaux, c'est la violence qui tranche. Marx dit entre des droits égaux, il ne dit pas entre des prétentions à la justice égales. Puisque, en réalité, ce qu'il dénonce ici, c'est qu'il s'agit de deux conceptions du droit qui ne sont pas tout à fait sur le même plan au niveau de la valeur de justice. Le droit du capitaliste, c'est évidemment le droit abstrait, pour reprendre le terme de Hegel, c'est-à-dire le droit des contrats, le droit juridique, le droit sanctionné par la loi et par elle exclusivement, le droit dont le vendeur, à savoir le prolétaire, se revendique, est un droit plus humain. C'est le droit, tout simplement, de mener une vie décente. Le droit, pour reprendre la formule de Engels que j'étais tout à l'heure, d'adapter les circonstances à sa volonté et de ne pas devoir, lui, se modeler, se mouler sur les circonstances. Donc du coup, les droits ne sont pas réellement égaux. Et par conséquent, la violence qui va arriver, elle prendra certes nécessairement la forme de la violence, mais c'est une violence qui sera aussi une violence qui prendra la forme d'un rétablissement de la justice. Et donc il faut bien voir qu'ici, cette violence dont Marx parle, ce n'est pas une violence immédiate, c'est-à-dire que Marx n'a pas pour dernier mot finalement l'idée que tout se réglerait par des rapports de force. Il a simplement l'idée que les rapports de force et du coup l'utilisation de la violence sont en quelque sorte inévitables pour que s'établisse une forme de justice plus haute. Et donc, on peut penser ici à une formule célèbre utilisée par Engels dans son Anti-During, qui est l'idée que la violence serait accoucheuse de l'histoire. Accoucheuse, ça veut dire que, en gros, le plus gros est déjà fait, puisque la personne qu'on accouche est déjà enceinte. L'accoucheuse n'est pas responsable, elle ne met pas en route, finalement, la gestation, mais elle vient simplement réaliser le dernier geste, aider le dernier geste, donner le coup de pouce en quelque sorte, qui vient terminer un processus amorcé depuis longtemps. Et ça, c'est le travail de Marx et d'Engels. Exactement. Accoucheur de l'histoire. Accoucheuse. La violence est accoucheuse de l'histoire, effectivement. Et du coup, l'idée, c'est de déterminer dans quel sens va la violence que l'on veut utiliser. Et c'est l'une des limites qui sera toujours celle de Marx par rapport à n'importe quelle intervention, qu'il s'agisse de la grève, de la révolution, de la lutte armée ou de la lutte politique, c'est de se demander dans quel contexte on va intervenir. La violence pour la violence n'a aucun sens. Elle est sans doute libératoire. La violence a toujours ceci de digne, qu'elle est toujours une contre-violence, en fait. C'est ça, il y a quand même l'idée d'une forme de vengeance. Parce que vous parlez de justice. De quelle justice s'agit-il ? Est-ce la loi du talion ? Le capital, c'est du travail mort qui ne s'anime qu'en suçant tel un vampire du travail vivant ? Ou bien est-ce une justice qui se détache de cette espèce de dette, de coût qu'il faut rendre, en fait? Alors, je pense qu'effectivement, la violence immédiate, celle qui suit finalement cette longue série de vexations, et comme dans l'extrait qu'on a entendu du film, un événement qui tout à coup vient mettre le feu aux poudres et déclenche une forme de violence, Marx et Engels la traitent toujours, évidemment, comme étant insuffisante. Ce n'est pas en se rebellant ou en cherchant à se venger, c'est-à-dire en passant par les voies du crime, essentiellement, puisque Engels rappelle que avant d'en venir au phénomène de la grève ou aux modalités de la grève, hein, il y a eu toute une série de révoltes ouvrières qui sont passées d'abord par le crime contre les personnes et puis, dans le cas du ludisme, contre les biens. Donc cette violence-là est insuffisante. Ça, il faut vraiment le voir. Hein. Mais Marx et Engels n'auront jamais pour cette violence, le mépris ou la crainte hein, que Proudhon, par exemple, aura en disant que c'est absolument insupportable hein, ou choquant, même moralement. Il n'y a pas de perspective morale. Hein. Pour Marx et Engels, la violence en contre-coup des ouvriers contre les biens et les personnes n'est jamais qu'une réponse à une violence invisible qu'elle vient révéler. Ce qui est donc une manière quand même d'autoriser, voire d'encourager. Alors, il ne s'agit pas justement de la justifier, il s'agit simplement de voir par de quoi elle est le symptôme, cette violence. Elle n'est pas souhaitable, mais elle est sans doute inévitable, dans la mesure où l'exploitation capitaliste n'est pas arrêtée par d'autres moyens. Mais est-ce suffisant de la part de Marx de tenir cette position parce qu'il a un rôle, il a bien conscience de son rôle de quasiment prescripteur, il ne peut pas juste dire c'est inévitable. Alors justement, on est au tout début du chapitre 8, hein, et Marx va rappeler finalement que la solution, si elle n'est pas dans la violence, elle est dans la lutte, hein, la lutte politique, plus ou moins organisée, la lutte qui est aussi un phénomène qui permet à la classe ouvrière de s'organiser et de s'unifier pour obtenir une loi. Et Marx, dans une lettre assez célèbre des années, il faut que je me souviens plus exactement de la référence, mais il dit en tout cas que la différence entre une grève économique et une grève politique, mais je pense que ce serait applicable aussi à la violence et à toute action révolutionnaire, c'est que la grève économique vise à obtenir un avantage local, donc un avantage local dans une fabrique ou dans une branche. Une grève politique, c'est une grève qui cherche à obtenir une loi ou l'inscription dans le droit d'une forme de justice. Je reviens à votre question antérieure, de quelle justice s'agit-il ? Il y a effectivement une forme de vengeance dont on vient de voir que pour Marx et Engels, elle était une vengeance qui n'était pas spécialement excusable, mais qui légitime. En fait a été compréhensible et légitime. Mais il y a une forme de justice, c'est tout simplement de forcer l'ordre politique et juridique bourgeois à tenir ses promesses. Liberté, égalité, fraternité et toutes sortes d'autres mots qu'on entendait dans le premier extrait du film de Raoul Peck, ouais. Ce sont des mots qui ont été gravés au frontispice de la Constitution, qui ont été gravés dans la loi, qui sont la devise de la République française, qui sont des valeurs que la bourgeoisie revendique pour elle-même en prétendant que leur réalisation est déjà universelle, qu'elles sont accessibles à tous, tout le monde, tous les hommes sont frères, Et ce que cette violence vient réclamer, c'est tout simplement la réalisation de ses promesses. Que l'égalité formelle, l'égalité apparente, illusoire, que la liberté formelle ou apparente se réalise en liberté réelle. Mais ça veut dire que c'est la démocratie elle-même qui serait bourgeoise. Alors la démocratie post-révolutionnaire, tout à fait. Complètement. Si on reprend la première loi qui a interdit la grève, je pense que à partir de la grève, on tient un fil qui permet de tirer pas mal d'autres fils. La fameuse loi Le Chapelier de la République française, une et indivisible, de 1791, c'est une loi dont la première fonction a été d'interdire les coalitions, c'est-à-dire les groupements ouvriers, en vue d'interrompre le travail. Donc on n'a pas interdit la grève en tant que telle, l'interruption du travail. Chacun a toujours été libre de refuser de travailler et du coup de risquer la mort, c'est-à-dire tout simplement de mourir de faim. Mais par contre, s'organiser en vue de débrayer collectivement et de faire grève collectivement, les bourgeois de la Révolution française ont très vite vu quel était le danger de ça. Si tous les ouvriers refuse de jouer le jeu de la concurrence, si toi tu viens pas te travailler, eh bien ton frère te remplacera à un prix encore plus bas, tu ne me manqueras pas, c'est ce qu'on entend dans l'extrait du film de Raoul Peck. Eh bien dès lors que les ouvriers s'organisent, abolissent entre eux la concurrence et décident collectivement de lutter pour telle ou telle raison, par exemple la journée de travail ou l'augmentation du salaire, eh bien le capitaliste n'a pas de recours. Il ne peut pas faire appel à d'autres ouvriers si tous les ouvriers décident d'être unis. Donc évidemment on s'attaque à la coalition. Et cette loi Le Chapelier, je reviens à mon propos, elle est défendue par son instigateur d'une manière qui est absolument palpitante si on la regarde, puisqu'il fait appel au contrat social de Rousseau et à la réfutation par Rousseau des fameux corps intermédiaires de Montesquieu et à la lutte pour éviter que dans le corps social s'introduisent finalement des ententes, des syndicats, des coalitions, puisque pour Rousseau, c'est le moyen de s'assurer qu'il n'y aura jamais que des intérêts particuliers qui regrouperont plusieurs personnes, mais jamais d'intérêt général qui sera celui de toute la société. Et donc, évidemment, pour utiliser cet argument, il faut présupposer que la République française de l'époque est déjà un État parfait au sens du contrat social de Rousseau et que donc il faut la prémunir contre la particularisation de ses intérêts, mais l'intérêt général, lui, est déjà accompli. Alors qu'on est en 1791, je crois, pour la loi Le Chapelier, donc la République est bien jeune. Elle est bien jeune, mais elle croit déjà avoir fait table rase de tout le passé, et elle croit surtout fermement, et je crois avec une bonne dose d'inconscience, hein, dans l'universalité des valeurs qu'elle promeut. Mais si on tire le fil jusqu'au bout, avant de reprendre celui de la grève, mais c'est celui qui nous y conduit, vous avez raison, est-ce qu'on n'arrive pas à la conclusion que la République, en tout cas la démocratie, peut-être la République et la démocratie, ne seraient pas compatibles avec l'idéal de justice ? C'est une question redoutable. C'est une question redoutable puisque elle renvoie à des concepts hein, marxistes et post-marxistes hein, qui ont mauvaise presse. Hein. Je pense à la dictature du prolétariat, je pense à la question de l'autoritarisme hein, des révolutions soviétiques hein, et des révolutions communistes au XXe siècle. Hein. Je crois néanmoins que Marx hein, est très clairement attaché à l'outil de la loi. Le droit n'est pas pour lui quelque chose que l'on renverse et que l'on balaye, mais c'est un outil que l'on utilise dans la lutte. La lutte, pour Marx, la lutte politique, c'est d'abord la lutte pour la maîtrise de l'appareil étatique. Une lutte politique, c'est la lutte pour pouvoir faire la loi. Et donc, Marx considère que le droit, à son époque, et a fortiori en 1791, est un droit bourgeois, un droit de classe, une justice de classe menée au nom des intérêts de la classe bourgeoise contre les intérêts d'une autre classe. Mais pour autant, le droit contient comme une poche d'émancipation qui suffit de crever pour essayer de la faire se diffuser dans la société, c'est essayer de faire appliquer réellement les valeurs qui sont promues. Mmh. Donc essayer de mettre en place les conditions d'une égalité réelle, hein, par exemple en réorganisant la production, en voyant que l'égalité est proclamée juridiquement, mais qu'elle est bafouée à tout instant dans la fabrique. Et du coup, mettre en place une loi établissant une forme de rapport de force égalitaire dans la fabrique, par exemple une loi sur la durée de la journée de travail, c'est contribuer à aller dans le sens de la valeur d'égalité qui est inscrite dans le préambule même de la loi bourgeoise. Et donc, on transforme la loi bourgeoise en loi réellement égalitaire. Voilà, donc la loi n'est pas en elle-même bourgeoise. Non, la loi est un instrument, tout comme l'État d'ailleurs, un instrument qui dispose d'une force de frappe remarquable et dont l'utilisation dépend de qui l'utilise. C'est une arme, hein, mais c'est une arme qui est irresponsable en elle-même. Et c'est vrai qu'on peut constater que l'écart en fait énorme qui sépare d'un côté la Révolution française de l'inscription du droit de grève dans la Constitution française en 1946. Oui, effectivement. Alors il a été inscrit une première fois sous le Second Empire par la loi Olivier en 1864. Qui abolissait le délit de coalition. Voilà. Or, en droit français, la non-interdiction équivaut à une autorisation, donc il n'y a pas de droit de grève, mais en tout cas, il n'y a plus de délit de grève. Hein. Et cette loi va être renforcée après, sous la Troisième République, mais ça va devenir un droit constitutionnel, effectivement, qu'en 1946. Ce qui est très tard. Exactement, ça a pris presque un siècle, hein, que l'interdiction de la grève soit levée, et encore presque un siècle pour que ça devienne un droit constitutionnel. Donc effectivement, c'est que la grève gêne. Il faut bien le voir, et je pense que c'est un message aussi peut-être à adresser dans la situation actuelle, c'est que la grève est sans doute un instrument qui gêne plus qu'on ne le croit. On a l'impression qu'il s'agit d'une manifestation totalement irrationnelle, suicidaire même, puisque le travailleur, pour lutter contre l'exploitation, se prive lui-même hein, du fruit de son travail, se prive lui-même du travail, voire dans quelques cas extrêmes, détruit. Je pense par exemple à certains événements qui ont eu lieu dans les dom-toms récemment, où on a assisté à des incendies de bus, par exemple, par les chauffeurs de bus qui sont en grève. Hein. Donc on a des résurgences comme ça récurrentes de ce genre d'actions complètement contre-productives en apparence. Hein. Eh bien, c'est quelque chose qui doit gêner. Et je pense qu'il y a deux composantes à comprendre là-dedans. C'est d'abord que ça vient... Je pense qu'il ne faut pas être inattentif à la dimension morale de la grève. La dimension morale de la grève, c'est un des thèmes importants chez Engels, où celui qui était traité à peine comme un animal, hein, voire comme une machine, tout à coup vient rappeler, de façon fort hégélienne finalement, la dignité de son humanité. C'est-à-dire qu'il se montre lui-même face à l'autre comme étant plus fort que ses déterminants organiques basiques, que sa survie. Il prend sur lui la capacité à se sacrifier, il prend sur lui la décision finalement de renoncer à ce qui le nourrit, parce que ce qui le nourrit ne le nourrit pas jusque dans sa dignité. Donc la dignité plutôt que la simple survie. Et donc je pense ici évidemment à la dialectique de la maîtrise de la servitude qui est, je pense, omniprésente au fond de la réflexion de Engels, hein, qui voit finalement dans le prolétaire en grève hein, la révolte humaine. Il a des termes à la fois kantien et hegelien pour dire que c'est la révolte de l'humain, de la moralité, du devoir au sens kantien du terme, hein, en l'homme. Et du coup, Il y a quelque chose chez le gréviste qu'on a souvent tendance à présenter comme quelqu'un de mesquin, qui rechigne à travailler, qui calcule un petit peu, qui veut pas venir travailler trop tôt, etc., qui veut ses petits intérêts. Il y a quelque chose quand même d'un geste qui nous rappelle à notre humanité et qu'on est bien souvent incapable d'accomplir pourquoi en notre dehors humanité de la grève. Parce qu'il est sacrificiel? Alors parce que sans doute l'humanité, une partie de l'humanité, c'est la capacité à nier notre condition de simple animal et à ne pas accepter par exemple d'être nourri à tout prix. C'est-à-dire de préférer la liberté et la mort de faim plutôt que le fait d'être nourri et de ne pas développer sa liberté. Donc ça, c'est la lecture morale de la grève. Exactement. Je pense que cette lecture-là, elle affleure très nettement chez Engels. Je pense que chez Marx, elle est moins importante. La raison ensuite pour laquelle, cette fois-ci peut-être plus objective, pour laquelle la grève gêne, c'est aussi qu'elle vient rappeler aux capitalistes, et ça c'est constant chez Marx et chez Engels, elle vient rappeler aux capitalistes qu'en fait, ils se trompent sur lui-même. Il croit que son intérêt, c'est d'exploiter au maximum, et ne se rend pas compte qu'en faisant ça, il scie la branche sur laquelle il est assis. Et on pense à l'extrait tout à l'heure du film de Raoul Peck, où on entend le père de Engels dire que à Manchester, de toute façon, la main-d'œuvre ne coûte rien, ce qui coûte cher, c'est les machines. Et le capitalisme vit dans l'illusion de ressources infinies, notamment en termes de main-d'œuvre, dont il ne se rend pas compte qu'en fait, ces ressources infinies en termes de main-d'œuvre, qui lui permettent de jouer la concurrence d'ouvriers contre d'autres ouvriers, quelqu'un certains sont en grève, eh bien on appellera d'autres, eh bien cette abondance de main-d'œuvre, elle a une fin. Et du coup, en allant jusqu'à l'extermination, l'extermination, je pense que le mot n'est pas trop fort, de la classe ouvrière, le capital va dans le sens de sa propre destruction. Et cette pulsion de mort qui anime le capital, Marx la repère à plusieurs endroits, et en quelque sorte, le chapitre sur la lutte pour la durée de la journée de travail, c'est le moment où la lutte ouvrière ne défend pas seulement son intérêt et sa dignité, mais vient aussi rappeler au capital et vient lui rappeler que son propre intérêt, c'est aussi de s'assurer que les ouvriers soient correctement payés et que sans cela, eh bien, le capital court à sa perte. Bien que les ouvriers, même si c'est contre leur gré, fassent aussi partie du capital, cette pulsion de mort dont vous parlez, finalement, il y aurait une lecture quasiment freudienne à faire de ce que propose Marx. Eh bien, elle constitue la société, elle constitue aussi chaque individu, y compris peut-être même dans le fait de faire grève. On pourrait renverser la lecture morale que vous esquissiez, en disant qu'il y a aussi peut-être une sorte de d'autodestruction. D'ailleurs, Marx n'est pas loin d'employer ce terme-là à propos du gréviste, qui serait aussi l'expression de cette pulsion de mort. Il n'y aurait pas d'un côté le capitalisme qui ne concernerait que les bourgeois et de l'autre les autres qui veulent lutter pour survivre. Peut-être que de part et d'autre, cette pulsion, puisque vous avez employé ce terme, est partagée. Sauf que la différence entre ces deux pulsions de mort en miroir, c'est que la première est réelle. C'est une mort biologique imminente qui menace les ouvriers. On perd des doigts, on perd des bras, on meurt de faim assez rapidement. Alors que de l'autre côté, c'est la pulsion de mort du capital, c'est-à-dire d'un mouvement abstrait de profit. Ce qui meurt, c'est le profit, ce n'est pas le capitaliste. Mmh. Et je pense que ça fait une différence énorme. Oui, c'est ça, c'est désindividualisé en fait dans le capitalisme. Alors dans le capitalisme, c'est désindividualisé, alors que les prolétaires, eux, en quelque sorte, vivent en personne la menace mortelle du capital. Donc si le capital mène jusqu'au bout sa pulsion de mort, le problème n'est pas tant pour le capitaliste, c'est pour ceux qui en subissent les conséquences. Je pense qu'on rebondira peut-être tout à l'heure sur la question écologique notamment. C'est-à-dire que la surexploitation des ressources ne concerne pas simplement la baisse des taux de profit. On y arrive et on l'avait entendu dans vos propos déjà, Florian Nicodème. Avant cela, un présupposé en fait qui est très présent dans la pensée de Karl Marx et qu'il va énoncer lui-même, toujours un extrait du fameux film de Raoul Peck. Pour faire la grève, encore faut-il croire en une possibilité du changement. Faire la grève, c'est avoir de l'espoir, avoir l'espoir que les choses peuvent changer, peuvent évoluer, ce qui implique une certaine vision du monde. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un déterminisme absolu, mais que peut-être qu'il y a une forme de contingence. Le travail, votre travail, est en un sens une marchandise. Votre force de travail, vous le vendez à votre employeur comme une marchandise, non ? Sauf que vous n'êtes pas libre. Vous êtes forcé de la vendre pour vivre. On en crève ici. Et de la vendre au moindre coût pour lui. Il y aura bien toujours des patrons et des ouvriers. Il n'y aura rien toujours. Rien. Dire il y aura toujours, c'est une formulation bourgeoise. C'est ce que le capital aimerait nous faire croire. Mais tout bouge. Tout est soumis au changement. Rien n'est dur. Toutes les relations sociales, esclavage, servage, salariat, sont historiques, transitoires. La vérité, c'est ce que dans les conditions actuelles qui doivent changer, le bourgeois est toujours libre d'employer le travail, l'ouvrier toujours forcé de le vendre. Le bourgeois aime parler de la liberté. Mais cette liberté est que pour eux, pas pour vous. Vous le savez, vous le sentez dans votre chair, chaque jour, chaque jour. Tous se sentent concernés par la réforme des retraites. Isabelle, en tailleur bleu marine, est hôtesse de l'air. Ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que les cheminots, ça concerne vraiment la France entière. Je suis personnellement concernée parce que là, je vais passer d'un départ à la retraite à autour de 55 ans, à un départ à la retraite potentiellement à 64 ans. Dans quelles conditions physiques, avec un métier qui est pénible, une vraie pénibilité due au jet lag, à 64 ans, c'est juste pas raisonnable du tout. C'est pas raisonnable du tout, dit donc Isabelle, interviewée par France Inter. C'était diffusé le 17 décembre 2019. Forcément, on peut pas faire cette émission aujourd'hui sans poser la question de l'application de la réflexion sur la grève que propose Marx dans Le Capital à la situation actuelle que nous vivons, Florian Nicodème. J'aimerais avoir une réponse simple à vous proposer. Je pense que peut-être on peut avoir quand même quelques pistes. À mon sens, en repartant à nouveau du chapitre 8 sur les luttes sur la durée de la journée de travail, hein, puisque Marx intercale ce chapitre finalement très informatif, très descriptif, très historique, hein, entre deux développements conceptuels très importants. Et je pense que, évidemment, c'est lié au fait que l'obtention d'une loi généralisant la durée de la journée de travail à 10 heures pour tous les secteurs de l'industrie est contemporain de la publication du Capital, donc il fallait que ça trouve une place dans le livre, hein. Mais c'est aussi parce que la question de la durée de la journée de travail, hein, c'est en quelque sorte le symptôme absolu de la question de l'exploitation. C'est le moment où l'exploitation vient s'inscrire dans la chair comme une espèce de pulsion morbide du capital, hein. Il est question, dans le texte précédent, de l'image du vampire. Mmh. Le capital suce le travail vivant. Eh bien, il y a quelque chose là-dedans qui rappelle que la menace, hein, que fait peser l'exploitation, c'est la menace contre la vie. Contre la vie biologique, contre la vigueur, contre la santé. Et du coup, ne pas travailler plus de 12 heures par jour d'abord, puis plus de 10 heures, puis très longtemps après plus de 8 heures par jour, c'est quelque chose qui permet de faire triompher la vie contre la mort, hein. Et je crois que le soutien massif dont il est question dans l'extrait de France Inter à la grève, et qui je crois ne se dément toujours pas, en tout cas il y a quelque chose dans cette grève qui semble quand même relativement pacifié dans la société française. Contre le projet de réforme des retraites. Voilà, exactement. Eh bien, il me semble que s'il y a cette forme de soutien, en tout cas cette forme de non-opposition violente aux grévistes, hein, eh bien c'est parce que à nouveau ce projet attaque cette dimension de la vie. Dans quelles conditions vivra-t-on enfin indépendamment de l'exploitation du salariat et du travail, hein, à quel moment? Ce moment, c'était la retraite. La retraite, c'était enfin le moment de l'activité libre, le moment où l'on choisit ce que l'on fait, où on n'en profite pas pour se reposer, ne rien faire et glander comme on l'a fait toute sa vie quand on a été, comme moi, enseignant ou quand on a été conducteur de la RATP. Évidemment, je fais référence ici au discours ambiant. Mais évidemment, c'est du second degré. Évidemment. Mais à un moment où on est réellement actif, on est en bonne santé, généralement, grâce au progrès de la médecine, hein, et on peut réellement, à nouveau, exercer une libre activation de soi-même, pour reprendre un terme marxiste. Ne pas être activé par le salariat, par un patron qui commande notre activité et qui commande du coup la manière dont nous pouvons satisfaire nos besoins biologiques, hein, et du coup nous y soumet de façon constante, mais où on peut se demander soi-même quelle activité on voudrait vraiment faire. Et du coup, le recul de l'âge de la retraite, hein, c'est ça que ça vient attaquer chez les gens, ça vient attaquer ce qui me semble être un acquis social, hein, plutôt symbolique d'ailleurs que social, plus important encore peut-être que toute la législation, c'est l'idée que il n'est pas acceptable que dans une vie humaine, cette vie se réduise, au fond, à un asservissement à des besoins et a fortiori à l'asservissement à un travail commandé. Seriez-vous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, en 2019, le pourcentage des personnes qui travaillent dans des conditions qui équivalent à celles des ouvriers au moment où écrit Marx, c'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas leur travail, pour qui le travail n'est pas une source de plaisir, ni d'épanouissement, ni d'enrichissement, qui en vivent très mal, est inférieur. En clair, que ce que dit Marx à propos des ouvriers en 1867 ne s'applique plus entièrement, même s'il continue de s'appliquer, parce qu'évidemment il y a encore des ouvriers en France aujourd'hui, si on en reste à la France, que ce ne sont pas exactement les mêmes conditions de travail, et donc les modalités de la grève et des revendications doivent aussi différer. Il faut d'abord se rappeler que les textes de Marx, hein, et les événements dont il est question dans Le Capital, toutes ces luttes autour de la durée de la journée de travail, hein, suivent 40 années de libéralisme totalement déchaîné. Autrement dit, entre les années 1780 et, on peut, disons en gros, les années 1830, hein, le capitalisme industriel qui s'est développé en Angleterre a eu absolument tous les droits. Quelques tentatives législatives très très timides de le réguler ont eu lieu, par exemple pour interdire de faire travailler les enfants avant 9 ans, ou bien pour interdire de faire travailler les enfants de nuit. Donc ça, c'est un Factory Act de 1802 qui met ça en place. Donc ça veut dire que c'était fait. Les enfants étaient utilisés notamment parce que leurs petites mains potelées pouvaient accéder à des pièces, des machines que les adultes ne pouvaient pas modifier. Donc on a déjà eu l'expérience d'un détricotage hein, de la législation. Et Marx commence son chapitre sur la lutte, les luttes pour la durée chargée de travail en rappelant que des siècles et des siècles de féodalité, d'anciens régimes atroces, hein, que tous les bourgeois libéraux de l'époque honnissaient évidemment, eh bien ces siècles-là avaient mis en place des législations plus efficaces hein, pour réguler la durée de la journée de travail que le capitalisme débridé des années 1840. Mmh. Il a fallu 70 ans, dit Marx au début du chapitre, hein, pour retrouver le niveau ou la durée de la journée de travail qui avait été accordée au XIVe siècle en Angleterre. Donc ce que des siècles de féodalisme avaient fait, le capitalisme l'a défait en 30 ans et il a fallu 70 ans de lutte acharnée, non pas pour améliorer la situation, mais pour revenir simplement au niveau de la féodalité. Donc je pense que cette petite perspective historique, sans vouloir esquiver tout à fait votre question, doit nous faire réfléchir à ce qui se passe quand on renonce à des acquis. Il ne s'agit pas évidemment de camper sous acquis ou de considérer que absolument aucun changement n'est possible ou que la situation ne s'est pas améliorée. Il s'agit simplement de se souvenir que ne pas lutter pour des questions qui sont des questions de vie ou de mort, rappelons-le, le temps de travail, c'est une question de vie ou de mort, eh bien, c'est peut-être risquer aussi une régression. La régression en histoire est toujours possible, hein, et les premières années du 19e siècle l'ont montré de façon très claire. Donc, je pense que à l'horizon de ces grèves, il faut aussi se souvenir de ça. On va se quitter avec votre texte préféré, m'aviez-vous confié avant le début de cette émission, oh oui. Florian Nicodème, sur le pourrissement de l'humanité, tout un programme. Et alors, il nous restera très peu de temps pour le commenter, mais ce sera l'occasion quand même d'affiner le parallèle entre la révolution, enfin la crise économique inéluctable, selon Marx, et la crise écologique à laquelle nous faisons face également aujourd'hui. Ce que l'expérience montre en général aux capitalistes, c'est qu'il y a une surpopulation permanente. Une surpopulation par rapport aux besoins de valorisation momentanée du capital, bien qu'elle se constitue d'un flot de générations rachitiques vite épuisées qui s'éliminent rapidement et sont, pour ainsi dire, cueillies encore vertes. Il est vrai que l'expérience montre d'un autre côté à un observateur sensé avec quelle rapidité et quelle ampleur la production capitaliste, qui historiquement parlant date à peine d'hier, s'est emparé de la force du peuple en ses racines vitales profondes, et comment la dégénérescence de la population industrielle n'est ralentie que par l'absorption constante d'éléments vitaux encore purs et naturels venus de la campagne. Comment même les travailleurs agricoles, malgré l'air libre où ils vivent et le principe de sélection naturelle, commencent déjà à dépérir. Le capital, qui a de si bonnes raisons de nier les souffrances de la génération des travailleurs qui l'entourent, est en fait, dans son mouvement pratique, aussi peu déterminé par la perspective d'un pourrissement futur de l'humanité et d'un dépeuplement définitivement irrésistible que par l'éventuelle chute de la Terre sur le Soleil. Dans toute escroquerie financière, chaque actionnaire sait que la tempête arrivera un jour, mais chacun espère qu'elle tombera sur la tête de son voisin après que lui-même aura recueilli la pluie d'or et l'aura mise en sécurité. Après moi le déluge. Telle est la devise de tout capitaliste et de toute nation capitaliste. Le capital n'a donc aucun scrupule s'agissant de la santé et de l'espérance de vie du travailleur, s'il n'y est pas contraint par la société. 1 minute 47, c'est la durée de ce texte lu par Hélène Losseur. 1 minute 30, c'est le temps dont vous disposez, Lev Nicodème, pour donner envie à l'auditeur d'aller relire ce texte par lui-même, peut-être. Bien sûr. Alors d'abord, je pense qu'il faut souligner quel extraordinaire styliste hein, est Marx hein, quand il écrit ce genre de texte. Hein. Ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce texte, hein, indépendamment de la question, de la perspective un peu hygiéniste du pourrissement futur de l'humanité, qui est ici conçu en termes biologiques et qui renvoie évidemment à la dégénérescence, hein, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'image qui survient sous la plume de Marx, hein, en disant que le capital, hein, ou le capitalisme, se préoccupe aussi peu de ce pourrissement, de ce dépérissement de l'humanité, que de l'éventuelle chute de la Terre sur le Soleil. Comme si, au fond, il y avait un parallèle à tirer entre la perspective du capitalisme et la question finalement d'une catastrophe écologique planétaire. Donc Marx imagine la chute de la Terre sur le Soleil. Nous avons des scénarios un peu plus intéressants et un peu plus concrets à nous représenter. Et ce que nous dit Marx, en gros, c'est que le capitalisme n'a absolument aucune forme de rationalité. Aucune forme de la rationalité dans la mesure où il n'est pas déterminé à agir, hein, autrement que par des illusions. Il vit dans l'illusion d'une infinité de ressources, d'une reproduction infinie des ressources humaines à l'époque, sans voir qu'en fait ces ressources humaines sont produites par la destruction des campagnes, hein, et les migrations massives de travailleurs agricoles dans les villes. Hein. Et aujourd'hui, je crois, sans voir que la production de profit ne peut passer que par la surexploitation de ressources elles-mêmes finies, et donc par la destruction programmée de la planète Terre tout entière. Donc il y a ici, à mon avis, sous la plume de Marx, une espèce d'éclair de génie qui, je crois, nous éclaire pour notre temps et nous rappelle que sans la contrainte de la société, une contrainte législative qui passe éventuellement par la grève pour le climat ou contre les retraites, hein, sans la contrainte sociale, eh bien, on ne peut pas faire confiance, en tout cas pas si simplement, au capitalisme et à son mouvement propre. Merci Florian Nicodème pour Merci cette explication, pour cette discussion ce matin, donc dans le cadre de cette série d'émissions sur la grève. Lisez Karl Marx, évidemment, chers auditeurs, vous le trouvez dans l'édition que vous voulez, celle pour préparer cette émission. C'était aux éditions sociales. On se quitte avec l'international, version chanson plus bifluorée. En raison de l'arrêt de travail de certains personnels de l'ORTF, vous entendez en ce moment sur France Inter, Intervariété, France Culture, France Musique et FIP, un programme unique de musique enregistrée. Debout, les damnés de la terre. Debout, les forçats de la faim. La raison donnant son cratère, c'est l'éruption de la faim. Et du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout bidou bidou dou. C'est l'allée de finale. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. Bidou bidou dou, on se l'allée de finale. Groupons-nous. Et demain, l'international sera le jeu humain. Allez, il avait de belles moustaches, le sourcil noir, le regard clair, un peu bourru, un peu bravache. Pour nous, c'était presque un père. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 7 janvier, mais vous continuez de vous interroger sur le réveillon de la nouvelle année, Géraldine. Oui, je suis un peu en retard, mais je me demande pourquoi fêter la nouveauté quand tout recommence comme d'habitude. C'est une question que je me pose à chaque rentrée et à chaque nouvelle année. Je me la pose parfois seule, parfois grâce à des philosophes, avec Kierkegaard par exemple, qui parle de la reprise, ou avec Nietzsche et son aphorisme du gai savoir que j'ai découvert il y a 2 ans. Quatrième livre du Gai Savoir, paragraphe 276, dans lequel il formule le souhait pour le nouvel an de penser encore. Contre toute attente, même Nietzsche, que je croyais indifférent, au-dessus de ce genre d'événement, fête donc la nouvelle année. D'où ma question aujourd'hui, est-il possible au contraire de ne pas marquer le coup, d'être totalement indifférent à ce passage au nouvel an ? 10, 9, 8 Qui aurait cru que Nietzsche pouvait faire ses vœux de nouvelle année ? Je l'imagine criant lui aussi le décompte avant minuit, gobelet à la main, hurlant « bonne année » et embrassant ses amis avec euphorie et sûrement ivre. Pourquoi pas après tout ? Il a sûrement dû avoir aussi ses réveillons seuls et sobres à ressasser l'éternel retour du 31. Ça arrive. Un ami, par exemple, m'a raconté s'être couché un 31 décembre à 22h et s'être réveillé le lendemain, donc un 1er janvier à 8h, passant sans s'en rendre compte d'une année à l'autre. Moi-même, cette année, j'ai tenté le coup, ne pas fêter le nouvel an. Et pourtant, Puis-je dire que j'y ai été insensible ? Non. J'ai quand même trinqué à la tisane et je me suis demandé toute la soirée ce que ça faisait de ne pas le fêter. Et mon ami dont je vous ai parlé, peut-il vraiment dire qu'il ne s'en est pas rendu compte ? Non plus, car il s'est bien réveillé en se disant qu'une nouvelle année s'ouvrait à lui. Voilà donc le problème. Même si on ne veut pas fêter le nouvel an, même si on sait bien que cet instant d'une année à l'autre ne changera pas d'un coup la face du monde ou sa propre personne, il se passe quand même quelque chose. Mais alors quoi, si ce n'est pas quelque chose de clair, de franc, de visible ? Que se passe-t-il dans cette fraction de seconde, ce presque rien auquel on ne peut pas échapper ? Ensemble, faisons de la décennie qui s'ouvre une décennie française et européenne. Chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Chacun d'entre vous est essentiel pour y parvenir. C'est pourquoi ce soir, je forme des vœux de paix et de bonheur pour vous tous. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Vive la République. Vive la France. On peut trouver une somme de réponses à cette question. Que se passe-t-il dans ce court passage d'une année à l'autre ? Passage insensible, mais pourtant pas indolore, pas insignifiant. Il y a la réponse scientifique, c'est la fin et le début d'une unité de temps. Il y a la réponse symbolique, c'est la fin et le début d'une étape, le moment de faire le bilan et de formuler ses vœux, personnels ou politiques. Mais est-ce suffisant de dire ça ? Ne pas penser à ça, au calendrier, au bilan, aux résolutions, n'enlève rien à ce passage, il reste là. Quoi que l'on en fasse, quoi que l'on fasse à ce moment-là, il est là. Événement vide, insaisissable, creux que l'on comble avec des vœux, de l'alcool, des amis ou de la famille, ou qu'on laisse tel quel. Le nouvel an nous révèle qu'on ne peut pas ne pas en être. On ne peut pas s'extraire de ce flux temporel, conventionnel, social. Je crois que c'est ça qui se passe. C'est ce que nous fait le nouvel an. Il nous montre qu'il y a une impossibilité d'être en dehors du monde, à distance, une impossible disparition de soi, un retrait utopique. Il faut faire avec, mais alors comment ? Happy New Year ! Whiter and the sun be brighter when you're out to play. Happy. L'événement de la nouvelle année est là, implacable, nécessaire, il s'impose à nous. Comment se résoudre alors à faire avec ? Chanter, le célébrer si vautré aveuglément semble une solution, la plus courante d'ailleurs. Ou alors, on peut suivre Nietzsche dans son aphorisme 276 dont je vous parlais, quatrième livre du Gai Savoir, il déclare en effet « Je veux toujours plus apprendre à voir la nécessité dans les choses comme le beau. » Voir cette nécessité du jour de l'an, s'y plier, avec lucidité et sans ivresse, se rendre à l'évidence qu'il est là, qu'on n'y peut rien, qu'on est pris de fait dans ses filets, qu'on doit s'y résigner, peut-être tout cela peut-il le rendre au moins un peu beau. Et aussi télécharger Journal de la Philo cette année, en 2020, et non pas en 2019, comme j'ai dit au cours de l'émission. Une nouvelle résolution. En tout cas, je vous conseille de le faire, c'est facile, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Jules Barbier avec Manon de la Salle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda et Thomas Beau. À la réalisation, à la prise de son, aujourd'hui c'était Marie-Claire Oumabadi. À la lecture des textes, Hélène Losseur. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur la philosophie de la grève. Demain, on sera en compagnie d'Alain Laurent et on parlera d'Ayn Rand. Les libéraux font la résistance, c'est le titre de cette émission. Si vous ne connaissez pas Ayn Rand, vous verrez... elle est inoubliable. D'ici là, pour réécouter cette émission sur Karl Marx, que vous connaissez peut-être davantage, et encore, c'est pas sûr, pour le lire et savoir ce qu'il dit sur la grève, c'était l'émission du jour. Vous pouvez la réécouter. Vous vous rendez aussi sur le site de France Culture, vous pouvez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Les Chemins de la Philosophie vous attendent en ligne et seront heureux de répondre à vos commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. D'ici là... restez à l'écoute sur France Culture.